j'ai voulu en fait proposer, j'ai vu Louise, qui est une ancienne étudiante. elle a fait plein de choses, vous êtes partie dans plein d'écoles différentes, elle a fait les SAT, elle a fait la poudrière, le bout d'ELSAT, enfin voilà, des choses complètement différentes. On ne va pas rester trop longtemps sur son parcours, ce n'était pas forcément plus important. J'ai vu en fait, elle a fait un pitch à Ru qui était sur son, une série qu'elle veut faire et que je me suis dit que c'était intéressant de vous proposer en fait aujourd'hui. On ne va pas faire l'idée du pitch complètement, mais en tout cas, voilà, de parler un petit peu de ça. Est-ce que tu veux venir à ma place pour ça? Il faut juste que tu glisses les choses, tu dis c'est bon? Ben ouais, je vais. Sinon, je reste là de toute façon. Est-ce que tu peux nous parler donc un petit peu de cette série? Ça, c'est le dossier? Oui, c'est ça. Je peux le montrer. Ouais. Tu veux... Je prends, je le glisse. Ouais, en fait, là, de ce côté-là. Voilà, donc il s'appelle Double, donc Avant le futur, pardon, excuse-moi. J'ai oublié. Pourquoi l'idée d'une série? Est-ce que je sais que ça peut paraître une question un petit peu dans mais c'est quoi ton envie de cette série? À l'origine, c'était pas une série, c'était un moyen métrage de 52 minutes découpé en 8 chapitres. Et j'avais reçu une aide de concept du CNC et ils m'ont clairement dit. Le format, c'est pas ça du tout. Et donc, j'avais mis un peu de côté. Et en fait, le côté la série, elle est venue quand je me suis rendu compte que le thème, il était hyper riche et que j'avais la possibilité d'aller plus loin. Et là, le format a changé. Donc, c'est scénaristiquement, en fait, que j'ai pu apporter plein de choses. Donc, plus de personnages, plus de factions, peut-être le pitch. Enfin, le pitch, en tout cas, l'histoire, évidemment, de la série. Ah, moi, tu veux, vas-y, hein, je te laisse. Je te prends. Il faut que tu mettes juste un peu plus près, voilà. En fait, c'est une série feuilletonnante de 7 épisodes et tous. Je peux le mettre en belle, ça. Et tout se déroule dans un petit village de campagne qui s'appelle Ashikangoval. Chose de mystérieux qui arrive parce que tout d'un coup il y a un homme très laid et boutonneux et transpirant qui débarque dans la ville et c'est le portrait craché de Roland, le comptable de l'usine de poissons chanteurs. Donc c'est son double. Et depuis que Gildas, cet homme boutonneux, est arrivé, les apparitions de doubles s'enchaînent. C'est-à-dire que du jour au lendemain, dans la petite ville, chaque habitant originaux peut voir son double débarquer. Et ça peut être son lui du futur ou son lui du passé, quelqu'un qui lui ressemble physiquement et qui est psychologiquement à l'opposé, ou l'inverse. Donc il y a tout un tas de possibilités de double. Et ça sème un peu la pagaille. Et les habitants, ils ne savent pas vraiment d'où vient ce mystère et personne n'en attend. De percer le mystère parce que justement, en été, ils sont hyper occupés par plein d'autres choses. Et heureusement, il y a quand même deux adolescents, Isaac et Johan, qui eux n'ont que ça à faire de l'été, d'essayer de percer le mystère. Donc, ça c'est le pitch du début, enfin, c'est tout le tout début. Tu peux mettre une image de. Ouais. D'un homme boutonneux. Donc, ça c'est le fameux personnage qui apparaît. Toutes les images, c'est des recherches précises. Et je peux... Voilà, une galerie de personnages. Et la série, elle fonctionne vraiment sur une galerie de portraits. Parce qu'on a vraiment beaucoup de personnages qui se dédoublent. Donc ça fait, c'est assez foisonnant. Et moi, j'aime bien que les personnages soient assez réalistes. Ce qui fait que, comme la série est très absurde, alors, il y a un bon équilibre, en fait. Il y a quelque chose... absurde et qu'on est dans une petite ville de campagne qu'on est censé un peu reconnaître. Mais je peux montrer une petite vidéo, sauf si tu as des questions. Non, oui, bah, en fait, comment on passe d'un 52 minutes à l'âge, je vois, c'est 7 fois 20 minutes, donc à peu près 140 minutes, en tout cas à l'époque. 140, ouais. Ah, c'est ça. Pour le moment. Oui, non, mais c'est ça, c'est pour le moment. Est-ce que des fois on a peur de ne pas se laisser déborder par toutes les idées qu'on peut avoir? et de se dire, ah, je vais rajouter ça, je vais rajouter non, parce ça. Que, alors, désormais, je suis accompagnée d'un co-scénariste, et on a mis des idées de côté pour la saison 2. On s'est limité, on aurait pu faire plein de choses, rajouter plein d'histoires, des personnages, mais il y a un moment, l'intrigue, elle est déjà tellement foisonnante, il y a tellement de petits détails à côté qu'il faut, on ne va pas perdre le spectateur. C'est-à-dire que là, les 720 minutes, elles, ils sont a priori écrits, et que la saison 1, en tout cas, voilà, elle est close. Et y a pas non, elle n'est pas close, parce que comme on n'est pas accompagné d'un producteur pour le moment, on n'a pas de chaîne, tout est encore ouvert. On ne peut pas dire, c'est cadenassé. Le scénario n'est pas canassé, ni format. Parce que 7 fois 20 minutes, je pense pas que ça intéresse. En tout cas, c'est pas nous, je suis pas sûr que ça soit quelque chose qui soit dans les chaînes télé pour l'instant. Inclus la chaîne télé. Est-ce qu'à la fois, quand on a un projet qui est. On le voit, peut-être, je passe à d'autres images un petit peu, là, vous avez sur les recherches, mais voilà, dans le dossier, je pense que vous ne voyez pas, c'est un petit peu loin, mais voilà, si on peut montrer. Je veux dire, c'est Morgane Lepéjou qui a fait cette image, qui est devenue ma co-auteur graphique. Donc, que j'ai rencontré à La Poudrière, qui a fait Les Arts Déco avant. Voilà, donc café, qui avait fait Insolation, un film qui avait très bien marché en festival. C'est un style graphique. Moi, c'était les SAT, je connais depuis les SAT que t'as toujours eu un style graphique très, très personnel, on va dire. C'est un style graphique que tu as déjà montré à des producteurs autour de toi, et puis de Chabru, est-ce que les gens sont venus en disant parce que c'est pas pour une série animée. C'est un style graphique qui n'est pas évident, en tout cas, ou qui peut paraître, par exemple, pas évident. Et ben, on est encore à l'état de recherche. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est des. Oups. Oh, c'est cramé. Bon. Ce genre de pantin. Pour le moment, on n'a pas eu de retour de producteur. Donc, là, après vous, personne n'est venu voir. Donc, la recherche, pour l'instant, on est encore libre, mais avec Morgane, on a fait une résidence pour faire les recherches graphiques et les designs. Mais on s'est déjà mis un peu des contraintes de faisabilité. Parce qu'on. Oui, on pourrait tout faire en peinture et ce serait génial, mais en termes de production, du coup, c'est pas toujours faisable. Tu avais. Oui, il y avait une photo avec les différents personnages, enfin, une image avec différents personnages, sans l'expliquer complètement, mais tu sais que tu étais en cercle comme ça, voilà, une double. Est-ce que tu l'as là ou. Voilà. Ah. J'ai juste des petits des images comme ça. Avec les doutes, juste voilà pour voir les justement les personnages. C'est plus voilà, ah oui, c'est pas l'image, c'est voir les personnages. Voilà. Non, les personnages. Est-ce que ça permet de travailler sur des tonnes on dit qu'on a. Enfin, moi, je dis, il y a un peu de problème dans les séries animées qui sont souvent des séries qui sont sur des. On va dire. Un peu pour adultes, mais en tout cas, voilà, sur des choses assez. Qui rentre pas tellement dans la psychologie des personnages, on n'est pas. Ce que peut faire la série en prise de vue, d'un seul coup, on va prendre un personnage au début, puis petit à petit, on va le suivre, et il va peut-être changer dans le troisième épisode, dans le huitième, on ne sait pas trop, mais voilà, on avance comme ça. Est-ce qu'il y a cette volonté-là un peu dans. Oui, de toute façon, mes rêves, c'est plus de la série télé ou de la prise de vue réelle, que je préparerai gentiment derrière. Mais oui, pour moi, les personnages, ils ont vraiment un vécu, il se passe plein de choses, et la série est très dialoguée. Il y en a qui ne vont pas du tout, comme tu dis, évoluer, parce qu'un personnage n'est pas obligé d'évoluer face à des événements. Il y en a qui vont forcément évoluer parce qu'ils sont confrontés à leur dédoublement d'identité. Alors, tu as fait un petit montage, tu disais, la référence, c'est ça les... Bon, j'ai fait un petit, je ne sais pas si je peux passer, c'est un espèce de petit montage d'ambiance pour donner un peu une idée de cette ville. Je me mets sur VLC ou. Ouais, tu pareil, tu le. C'est la même chose qu'avec les images, mais en fait, elle est super bien. Tu peux mettre. Peut-être qu'on peut baisser le son parce que. Ouais, mais deux. Ça, c'est celui-là. On va baisser le son. about Guru right here. Donc les références sont avant tout américaines, donc il y a plein de choses. Des Bruno Dion. Alors, et voilà, et il y a donc les Memories of Murder aussi à un moment donné, il y a Rico Buffa aussi en animation, et Insolation, Morgane Le Péchon. Donc ça par exemple, c'est l'ambiance en effet de cette petite ville et quand même une des grandes références, enfin moi en tout cas que j'avais remarqué, donc, je suis content de l'avoir autant là-dedans, c'est Twin Peaks. Oui, mais c'est une référence, on va dire, digérée. Je me suis pas dit, je m'en suis pas dit. Je me suis jamais dit, je vais faire un Twin Peaks en animation. Jamais. Parce que j'avais regardé Twin Peaks il y a des années, et je pense qu'il y a plein de trucs qui sont ressortis, inconsciemment. Et il y a pas longtemps, j'ai re-regardé Twin Peaks, par me dire, ah oui, qu'est-ce qui en est resté, enfin, dans mon projet. Et oui, il y a plein de petits côtés. Est-ce que tu parlais de la faisabilité, je sais de parler fort pour pas, on va pas perdre du temps, tu parlais de la faisabilité, est-ce que ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout rentré en compte au début, tu as fait la série, tu as écrit et ensuite, là maintenant que tu as commencé à réfléchir un peu plus, là, cette Morgane, j'ai eu une aide à l'écriture qui m'a permis d'accompagner de Morgane en graphisme et de Mathieu en scénario. Et là, je commence vraiment à penser à des faisabilités. Donc c'est, au début, il n'y avait aucune limite. Oui, c'est comme ça que ça marche. Pas de limite du tout. Non. Puis après, se dire, ça, on ne va pas y arriver, réfléchir à des réutilisations de plans. Je pense que quand je vous ai vu après avec Morgane, j'ai oui. Eu de dire d'un seul coup, on verra bien. Enfin, on parlait de réutilisation et Morgane, il y a tellement de décors, il y a tellement de choses que ça va être un peu complexe. Depuis, il y a eu un. Ah, pour ce qui est de la mise en scène, ouais. Pour l'instant, la mise en scène, on n'y a pas pensé. Mais même dans l'écriture, il y a des. Parce que le scénariste ne vient pas du tout de l'animation. Et on a écrit des scènes, mais quand je les relis, je me dis il y a 1000 personnages dans des 1000 décors et beaucoup d'animation. Et forcément, là, il y a des choses qu'on va devoir trouver des astuces de mise en scène. Pour pas non plus couper dans le scénario, on va devoir couper dans le scénario, mais pas le. C'est drôle, là, dans le dossier que j'ai dans les mains, il y a plus d'écrits. Il y a 40 pages de synopsis. Ouais, c'est ça, que même plus que d'images. C'est vraiment voulu, c'est-à-dire qu'à la base, c'est raconter cette histoire-là, c'est ça qui est important. Mais je dis pas que les images ne sont pas importantes, mais en tout cas, elles viennent presque en secondaire. Bah oui, moi je pense, enfin, je suis un peu littéraire, donc ça se voit pas. Mais moi j'avais écrit un scénario littéraire comme un roman un peu. Et donc oui, le texte. Donc maintenant, en fait, tu recherches, là, il y a des choses qui sont faites, il y a un dossier qui est fait, tu nous as montré quelques images. Je ne sais pas si tu as des images déjà un petit peu animées ou pas, ou si vous avez commencé à animer. Si, j'avais fait une petite anime, mais je ne l'ai pas prise parce qu'elle est... Elle est ouais, d'ailleurs, je m'excuse, le montage, j'avais dit vidéo un peu. Ah, tu vois, on a compris. Non, ce n'était pas encore montrable, c'était juste un petit test. Mais ça marche. Donc ça c'est pour montrer, et puis pareil, de prendre Grégory Buffa par exemple, comme exemple, donc de réalisateur évidemment très important. Oui, en France, c'est déjà fort, moi j'adore parce que c'est... tout est fait un peu, j'ai l'impression que tout est fait rapidement et ça marche très bien pour ce que ça doit raconter. Est-ce qu'il y a cette idée justement pour pouvoir peut-être faire très rapidement la série, en tout cas d'essayer de peut-être pas prendre autant de temps, parce que c'est une série, encore une fois, on n'a pas eu le temps, on ne va pas avoir le temps de tout voir, mais en tout cas, c'est une série plutôt pour adultes, ados-adultes, on va dire. Est-ce qu'il y a, donc dans un problème d'économie, parce qu'une série peut coûter très cher, justement, cette idée de se dire, on fait les choses un petit peu rapidement, on va tenter de faire les choses un peu rapidement. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour moi de répondre à cette question. Moi, j'avais même dans l'idée de faire plusieurs épisodes en même temps avec plusieurs réels. D'accord. Donc, d'aller vite, quoi, mais je pense pas qu'on puisse aller vite en animation. Enfin, si c'est des épisodes de 20 minutes, même si c'est un épisode de 10 minutes, on ne pourra pas le faire rapidement. Enfin, même en essayant, ça ne marche pas. Donc là, aujourd'hui, tu cherches un producteur, c'est ça ? Est-ce que vous avez déjà fait des recherches de producteurs, genre de choses, ou pour l'instant, vous développez Non, en fait, j'ai commencé à envoyer. j'ai commencé la recherche de producteurs pour justement faire le développement en étant un peu plus accompagné. Je vais à l'OMIFA. Donc l'OMIFA, c'est avec ça. Non, j'ai un rendez-vous avec un producteur cet après-midi, mais c'est juste un, donc on va voir. Donc déjà les producteurs, pas encore les chaînes de télé, pas encore. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est un projet, alors on fait pas de publicité pour Netflix bien sûr, mais en tout cas ce genre de chaîne qui commence à arriver, c'est plutôt ce genre de chaîne là qui pourrait accepter. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça ou... Oui, j'ai des copains en Valence. Jean Boutard avec son projet La Quatrième Planète, qui est déjà un projet beaucoup plus avancé et structuré. Eux ils pensent à Netflix, mais Netflix c'est une chaîne encore frileuse. Parce que je pense qu'ils ne connaissent pas bien le public français. Mais je pense que ça va être difficile avec des chaînes classiques de télé. Parce que j'étais à Bruges, j'ai assisté à une conférence making of sur l'écriture de Last Man. Et je me tenais la tête entre les mains parce que avec un projet, avec déjà une BD, avec un public, ils ont tellement galéré. Je me disais, je vais écrire mon histoire. Enfin, je suis consciente que tout peut se dans un tiroir. Ils ont quand même été aussi pas mal chanceux la semaine. Ils insistent sur le côté un peu, on n'a pas eu de chance. Il y a quand même, ils ont été sept scénaristes. Enfin, ils ont été dans une maison, ils ont pu écrire le personnage. Donc en plus, ils sont des chanceux. Encore plus difficile. Évidemment, pour l'instant, à ce niveau-là, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de réflexion sur combien ces 140 minutes d'animation pour écouter, ça c'est quelque chose que tu pourrais avoir justement un conseil de personne qui pourrait. Ah oui, moi-même je suis pas capable de budgétiser une série comme ça, une série tout court. Je n'ai pas les capacités, je connais pas les grilles tarifaires, le nombre de jours qu'il faut. Donc ça pourrait être une aide pour être apportée, ouais, c'est ça de voir. Il y a pas, t'as eu pas mal de choses, il n'y a pas les résidences ou cycliques ou la résidence de la Poudrière. Je sais qu'il y a des anciens de la Poudrière, vous avez une résidence. Particulièrement pour vous. Oui, je suis la présidente, c'est l'association des anciens étudiants de la Poudrière. L'association s'appelle Projectile. Et on a organisé trois résidences d'écriture et de développement de courts-métrages. Et il y a plein de courts-métrages qui sont sortis. Yule et le Serpent a fait la résidence. Ouais. Ouais, en fait, plein de projets. Elsa Duhamel, Gardère et tout, a fait la résidence. Donc oui, je peux faire ça, mais c'est pas très encadré, c'est vraiment un lieu de travail ensemble, il n'y a pas encore d'intervenants externes. Qui peuvent aider justement à ça. Donc on n'a plus de temps. Est-ce que par hasard, je sais que c'était un petit peu court, est-ce qu'il y a une question dans la salle pour peut-être un projet de aussi c'est vous, je ne sais pas qui voudrait poser une question pour savoir. C'est très mystérieux cette série. C'est un monstre. Bonjour, oui, j'avais deux questions, mais rapides. En fait, ça a l'air vachement bien ton projet-là. Et je voulais savoir depuis combien de temps tu le développes, quand est-ce que tu as commencé à le créer, et est-ce que tu envisagerais une production peut-être en web-série? Parce qu'on voit, il y a quelques temps, ce n'était pas du tout l'actualité, mais là on voit par exemple The Man Woman Case, qui est sorti sur les programmes d'Arte, je crois, sur la même grille que les Indignés par exemple. C'est peut-être des possibilités de production, je ne sais pas. La première question, j'ai commencé à l'automne 2013. C'est déjà une bonne idée, ça fait quasiment 4 ans. Et oui, web-série, pourquoi pas. Moi aussi, j'avais il y a encore quelques années, les web-séries étaient encore un peu cheap, on peut dire. Et j'espère que ça va évoluer. Je sais que The Man Woman Case, ils ont très peu de budget. Mais Alice a réussi à faire un. Moi, je ne sais pas si j'arriverai avec un budget aussi petit. Ou alors, faut vraiment que j'y réfléchisse pour repenser. Ok. Merci beaucoup, Louise. Merci infiniment. J'espère pour toi, Louise, c'est vraiment que la série va pouvoir se faire parce que c'est vrai que c'est.